Le vent caresse les ruines, la mer chante des secrets, les flammes dansent, la nuit s'allume, Ruth s'éveille, prêt à la lutte. Sous les étoiles, les ombres avancent, chaque pas résonne, la basse s'enfonce, les yeux ouverts, les cœurs battants, la bataille commence, l'instant est vivant. Je marche sur des braises, la base en ruine, les ombres m'entourent, le destin s'incline, les voix s'élèvent dans le chaos du combat, leaders qui l'avancent, le cœur en émoi, les viewers murmurent, soutien et espoir. Chaque pas résonne, chaque victoire, le métal craque, la nuit nous embrasse, mais la mélodie apaise la menace, les flammes éclairent nos visages marqués, les cicatrices racontent les combats passés, dans ce désert de fer, la survie s'écrit, au rythme des tirs, au chant de la nuit. Chant de la nuit. Sur les vagues du chaos, dans sombre, Ruth est une danse, un rêve qui tremble. Siderski, de la lumière dans l'ombre, nos voix s'unissent, la nuit nous encombre. L'écho des batailles, une symphonie. Que la force du groupe, la vraie magie. Les cendres volent, la poussière s'élève. Dans ce combat, c'est la vie qu'on relève. Les flammes éclairent, les visages marqués. Les armes chantent, les âmes partagées. Un raid s'organise, la stratégie se tisse. Raiders qu'il chante, la victoire se précise. Les viewers en feu encouragent le pas. Chaque cri réchauffe le froid du combat. Les ruines vibrent, le tempo s'accélère. Ruth est un chant, une prière. Les cris fusent, les balles sifflent. Le chaos règne mais rien ne vacille. On avance ensemble, unis par le son. Dans cette guerre, une vraie commune. Les vagues du chaos en vogue ensemble. Ruth est une danse, un rêve qui tremble. Siderski, de la lumière dans l'ombre. Nos voix s'unissent, la nuit nous encombre. L'écho des batailles, une symphonie. Pour la force du groupe, la vraie magie. Les flammes montent, le souffle s'intensifie. Le rythme s'élève, c'est notre symphonie. Le vent hurle, mais nos chants résistent. La tempête gronde, mais rien ne nous brise. Raiders qu'il mène, la voix pleine d'espoir. Dans ce monde dur, il trace son histoire. Les loots s'amassent, les cœurs s'emballent. La nuit est notre scène, la victoire s'installe. Les viewers vibrent, les âmes s'enflamment. Ruth est une ode, un hymne à la flamme. Les étoiles brillent, le feu crépite. Chaque victoire est une lumière qui s'invite. Dans ce chaos, nos voix se mêlent. Une chanson d'espoir, une bataille éternelle. Je construis des tours avec des déchets. Un faux pas et tout est arrêté. Le vent murmure, les balles dansent. Dans cette île où règne la démence. Les dreadlocks volent, la foule acclame. Riders qu'il mène, la danse infâme. Chaque plan foire, chaque piège claque. Mais on continue, on garde la plaque. Le chaos est roi, la nuit est reine. Dans Ruth, on célèbre cette arène. Le feu crépite, les ombres dansent. Chaque victoire est une transe. Le vent souffle, la mer se calme. Les batailles cessent, c'est un nouveau drame. Les flammes s'éteignent, mais pas notre feu. Riders kill et sa team toujours en jeu. On rit, on pleure, on rage, on vit dans Ruth. Chaque instant est une folie. Le calme avant la tempête revient. Mais on sait que bientôt ça repart. Sur les vagues du chaos, on vogue ensemble. Ruth est une danse, un rêve qui tremble. Le soir, Riders kill, la lumière dans l'ombre. Nos voix s'unissent, la nuit nous encombre. L'écho des batailles, une symphonie. Pour la force du groupe, la vraie magie. Le chaos règne, le soleil brûle. La fête continue même quand tout s'écroule. Les rires fusent, la nuit s'enflamme. Ruth et Reggae, le duo qui clame.